إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons inshallah un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan على الجادة للشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. Et nous terminons, inshallah, le chapitre numéro 8 qui concernait certaines règles dans la voie salafi. Donc, on arrive à la cinquièmement, khamisan, qa'ida, anna al-ahkam al-usuliyya wal-furu'iyya la tatimmu illa bi-amrayni huma wujudu al-shurut wa intifa'u al-mawani'. Donc, cinquième règle qu'on va voir, c'est que les jugements dans le domaine des bases de la religion, dans les fondements de la religion ou dans les branches de la religion ne peuvent avoir lieu, ne peuvent être appliqués que s'il y a deux points essentiels. Qu'il y ait la présence des conditions et l'absence des empêchements. La présence des conditions et l'absence des empêchements. قلت, donc il dit je dis وهذا أصل عظيم في جميع أحكام الشرع. Et voilà une règle de base importante dans tous les jugements religieux, dans toutes les règles et les préceptes religieux. سواء كانت أصولا أم فروعا لا بد من وجود شروطها وانتفاء موانعها. Que ce soit dans les fondements ou dans les branches de la religion, il faut obligatoirement la présence des conditions et l'absence des empêchements. فلو وجد الشرط لكن كان هناك مانع لم يصح الحكم. Donc, si à titre d'exemple, il y a la présence d'une condition, mais il y a un empêchement. On a bien dit qu'il faut aussi qu'il y ait l'absence des empêchements. Mais avec la présence de la condition, il y a la présence aussi d'un empêchement, alors le jugement ne sera pas valide. Le jugement ne sera pas bon. من ذلك مثلا, à titre d'exemple, il y a آيات الوعيد في حق من ارتكب أمورا محرمة فهو أهل لما جاء في النصوص من الوعيد. Par exemple, les versets, les textes coraniques concernant la menace. On a la menace et on a la promesse. C'est ce qu'on appelle la menace al-wa'id et la promesse al-wa'd. Donc les versets de la menace, c'est les versets qui nous parlent celui qui fera, celui qui commettra, il aura ça ou ça comme châtiment. Ça, ce sont des versets de menace. On appelle ça « ayatu الوعيد آيات الوعد la promesse pour celui qui fait des bonnes actions celui qui aura fait telle action et ben il aura telle ou telle récompense donc ça c'est pour la promesse et les autres c'est pour la menace donc la personne elle est menacée donc lorsqu'on voit les versets concernant la menace sur la personne qui commet des actes interdits. Donc cette personne, elle entre dans le contenu de ces textes de la menace. C'est-à-dire qu'il est voué à subir le sort de la menace. لكن قد يكون هناك مانع يمنع من العقاب. Mais il se peut qu'il y ait là un empêchement qui vient à le sauver de subir la menace ou de subir la sentence. Grâce à cet empêchement-là. Kattaouba, comme le repentir. Donc, il s'est repenti, donc il est libéré de la menace. Il ne s'était pas repenti, il est sous la menace. Il s'est repenti, Allah accepte son repentir, donc il est libéré de cette menace. Donc à la base, il est concerné par le texte de la menace. Mais puisqu'il y a eu cet empêchement, donc il en est épargné. Ou istighfar al-mu'minin, ou la demande de pardon des croyants, lorsqu'on demande pardon. Ou al-masa'ib, aussi autre chose. Les malheurs, le mal qui nous touche. Allah subhanahu wa ta'ala, le mal qui touche un croyant, le malheur qui touche un croyant, c'est un bien pour lui. Allah, avec ce mal, avec ce malheur qu'il lui a fait subir, eh bien, il lui efface des péchés. Donc, il est épargné de telle ou telle ou telle menace. Ou ghayr dhalika min mukaffirat adh-dhunub. Et bien d'autres points parmi ceux qui expient les péchés. Wa min dhalika, et parmi ces points, as-salah, la prière. Mathalan, à titre d'exemple, la budda min wujud shartaha wa huwa at-tahara. Pour que la prière elle soit valide, pour que la prière elle soit acceptée, il faut obligatoirement la présence de sa condition qui est la purification. La condition de validité de la salat, c'est que tu sois en état de pureté. فمن أراد الصلاة بلا طهارة فلا تصح منه لفقد شرطها. Donc celui qui voudra accomplir la prière sans la purification, sans les ablutions, sa prière ne sera pas acceptée. Sa prière ne sera pas valide parce qu'elle ne comporte pas sa condition. Il y a l'absence de sa condition. ومن هذا الأصل et entre dans ce fondement, dans cette règle de base, التكفير والتبديع والتفسيق. Entre dedans, dans cette règle. C'est-à-dire qu'elle est à mettre en pratique concernant de taxer quelqu'un de mécréance, de le taxer d'innovation ou de perversité, de donner le titre de mécréant, d'innovateur ou de pervers à une personne, il faut passer par cette règle de base. Regardez la présence des conditions et l'absence des empêchements. وَهُوَ بَابٌ قَدْ عَظُمَتْ فِيهِ الْفِتْنَةِ والمحنه. Et c'est un chapitre dans lequel il y a eu beaucoup de troubles et beaucoup d'épreuves. وَطَاشَتْ فِيهِ الْأَحْلَامِ. Et beaucoup de gens, c'est-à-dire, dans le sens de la phrase, se sont perdus là-dedans. وَكَثُرَ فِيهِ الْإِفْتِرَاقِ. Et il y a eu beaucoup de divisions et de divergences là-dessus. وَتَشَتَّتَتْ فِيهِ الْأَهْوَى وَالْأَرَى. Et les passions et les opinions ont été dispersées là-dessus. وَمَوْقِفُ. C'est-à-dire que si on regarde ce que disent, on dit les sectes concernant tout ce qu'on vient de voir, il y en a des opinions et il y en a de la passion. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'opinion juste, l'opinion véridique sur toutes les questions. Wa mawqif ahli sunnati wal jama'a as-sa'ilin ala manhaj as-salaf as-salih min takfir ahli al-bid'a wal 'aqa'id al-fasida huwa at-tafsil. Et la position des gens de la sunna et du groupe et du consensus, ceux qui sont sur la voie, le chemin des pieux prédécesseurs concernant le fait de rendre ou de taxer de mécréants les gens de l'innovation et les adeptes des croyances erronées et fausses, c'est le détail. Il n'y a pas un seul jugement comme ça à donner à toute personne qui serait tombée dans l'innovation ou qui aurait dévié dans tel ou tel domaine de la religion. Non, il y a un détail. Et il dit en annotation, « وَهُنَاكَ قَوْلٌ يَرَى نَفْيَ التَّكْفِيرِ نَفْيًا عَامًّا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَلَا يَكْفُرْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ » Il y a une opinion qui dit, il y a une opinion qui dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au sein de la communauté musulmane qui sort de l'islam. Que lorsque quelqu'un est dans l'islam, il ne peut être mécréant. Donc pour cette opinion-là, personne ne devient mécréant parmi la communauté musulmane. Ça, c'est une opinion. Wa qawlun yara takfir ahl al-bid'a takfiran mutlaqan wa annahum kulluhum kuffar kharijun 'an al-islam. Et une autre opinion qui est l'opposé, qui voit que tous les adeptes de l'innovation sont tous des mécréants, complètement, et qu'ils sont donc des mécréants sortis de l'islam. Et chacune de ces deux opinions est contraire à la vérité. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est deux extrêmes. Mukhalifun lil adillati shar'iyya. Ces deux opinions sont contradictoires avec les preuves religieuses. Wa qad dhakara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah khata'a man nasaba hadhayn al-qawlayn li ahadin min a'immati as-salaf. Et Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a précisé l'erreur de ceux qui ont prétendu que l'une de ces deux opinions, l'une ou l'autre, sont des opinions qui ont appartenu à certains parmi les imams des pieux prédécesseurs. Et il a précisé, cher l'islam, wa anna as-sawab huwa at-tafsil. Et il a dit, et là, l'opinion véritable, c'est de détailler. Il y a un détail à voir. وَهُوَ الْقَوْلُ الْحَقِّ عَنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ. Et c'est la parole véridique des imams, des pieux prédécesseurs. Là se termine la notation. Donc on revient au texte dans lequel le cheikh dit que l'opinion, la position d'Ahl al-Sunnah, c'est tafsil, c'est le détail. وَهُوَ أَنَّ أَهْلَ الْبِدَعْ لَيْسُوا عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ. C'est que les gens de l'innovation, les adeptes de l'innovation, ne sont pas au même degré. Ils sont dans le mal, oui. Ils sont dans l'innovation, oui, puisqu'on les appelle les gens de l'innovation. Mais dans la gravité et dans le péché, ils ne sont pas au même degré. Dans le mal, il y a des degrés plus grands et plus pires que d'autres. Faminhum, parmi les gens de l'innovation, il y a parmi eux man huwa maqtu'un bi takfirihi. Il y en a, il n'y a aucun doute qu'ils sont sortis de l'islam, qu'ils sont tombés dans la mécréance. Kaman ata bi qawlin aw fi'lin mukaffir. Comme ce ou celui qui viendrait avec une parole ou une action qui se fait sortir de l'islam, qui est de la mécréance. وتمت, ça c'est le premier point. وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه. Et concernant cette personne ou ces personnes, il y a eu les conditions de la taxation de mécréance et il y a eu l'absence des empêchements. Concernant ce point, en résumé, déjà il faut voir l'action en elle-même, la parole en elle-même, le délaissement en lui-même. Est-ce que réellement, véritablement, ce sont des choses qui font sortir de l'islam ou pas? On arrive au stade où on est capable de dire oui, telle parole fait sortir de l'islam, tel acte fait sortir de l'islam. De ne pas accomplir tel acte fait sortir de l'islam. Taïb. Maintenant, on entame une deuxième étape qui est la vérification. Est-ce que les conditions sont là et est-ce qu'il y a l'absence des empêchements? Et pour finir, là le Shir nous explique certaines règles pour montrer que ce n'est pas aussi simple que le pensent certains, mais au final, qui est en droit d'appliquer tout cela? Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce sont les gens de science, les gens de connaissance qui, eux, sont aptes et qui ont la capacité de donner ces jugements et qui savent est-ce qu'il y a réellement la présence des conditions, l'absence des empêchements. Et ce n'est pas demandé à toute personne. C'est pour cela que se trompent les personnes qui lisent dans des ouvrages ou qui écoutent des cours où il est parlé de la gravité des actions, des paroles qui font sortir de l'islam. C'est normal, il faut les apprendre pour sauver son âme, pour ne pas commettre ces actions qui annulent ton tawhid, qui annulent ton islam. Et c'est ce qu'on appelle les actes annulatifs de l'islam. Nawaqid al-islam. Et les ulama, dans les ouvrages de fiqh, il y a des chapitres qui concerne Ridda, l'apostasie. Et dedans, ils énumèrent les actions qui font sortir de l'islam. C'est pour toi-même, pour ton âme, pour ne pas tomber dedans. Et pour que tu l'enseignes à ceux qui sont sous ta responsabilité et ceux à qui tu peux passer le message. Mais de comprendre de là qu'il t'est demandé d'aller t'occuper de tous les gens et de vérifier leurs actions, de vérifier leurs paroles, pour au final les taxer de mécréants, cela n'était pas demandé. Et tu t'es donné une fonction qui n'est pas la tienne. Et il y a beaucoup de chances que tes jugements sont basés sur l'ignorance. Même si toi tu croyais bien faire, même si toi tu croyais avoir bien compris, mais ce n'était pas demandé. Et ça c'est une mauvaise compréhension de certains qui se préoccupent et qui se focalise sur des questions de la religion qui existent, mais qui leur donne une ampleur qui est au-dessus. Et c'est ce qu'on appelle de l'exagération. Et ça, c'est une erreur, et c'est ce qui pousse certains parfois, même s'ils sont à la base bien intentionnés, mais la bonne intention à elle seule ne suffit pas. Taïeb. Donc, parmi les innovateurs, donc on revient, il y en a, il n'y a pas de doute qu'ils sont taxés de mécréants. Et pour ces personnes-là, il y a eu la présence des conditions et l'absence des empêchements. وَمِنْهُمْ et parmi les innovateurs aussi, مَنْ لَا يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ لِنْتِفَاءِ ذَلْكَ فِي حَقِّهِ. Certains, on ne peut pas les juger ni les taxer de mécréants car il y a des empêchements le concernant ou les concernant. ثم إن القول في تكفير أهل البدع والتكفير عموما مبني على أصلين عظيمين. Puis, de parler sur le fait de taxer de mécréants les innovateurs ou de parler de taxer de mécréance d'un point de vue général. Ceci est basé sur deux grands fondements. أحدهما le premier دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للتكفير. C'est que les textes du Coran et de la Sunna sont bien clairs, sont bien explicites que telle parole ou tel acte qui proviennent de la personne jugée, qu'il y a bien acte de mécréance. Et le deuxième fondement important, انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين. C'est que le jugement soit donné avec justice, droiture, à la personne bien précise qui a parlé ou qui a agi. Et c'est pour ça que les ulémas nous expliquent que lorsque l'on sait que telle action, tels propos font sortir de l'islam sont des actions de la mécréance, donc tu es en droit de dire que celui qui commet tel acte devient mécréant. Celui qui dit telle parole devient mécréant. Soit. Ça, c'est ce qu'on appelle de la généralité. Tu n'as visé personne, pas une personne précise. Maintenant, une personne tombe dedans. Donc là, on a une personne précise devant nous. Est-ce que le jugement, tu lui donnes ce jugement à cette personne bien précise, ce n'est pas la même chose. Tu es en droit de parler généralement, mais pour la personne bien précise, c'est là où il y a la question des conditions et des empêchements. بِحَيْثُ تَتِمُّ شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. Donc, de sorte que ce soit complété sur le sort de cette personne les conditions de la mécréance et qu'il y a l'absence des empêchements. وَهَذَانِ الْأَصْلَانِ أَيْضًا يَنْطَبِقَانِ عَلَى الشَّخْصِ عند الحكم عليه بالابتداع أو الفسق. Et ces deux fondements qu'on vient de voir de importants sont à appliquer sur la personne qu'on voudrait juger d'innovateur ou de pervers. وهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه بدعة وكون القائل المعين أو الفاعل المعين تمت في حقه شروط التبديع وانتفت موانعه. Et que les textes du Coran et de la Sunna soient bien clairs, bien explicites, que telle parole ou tel acte commis par la personne jugée, c'est bien une action d'innovation. Et que telle parole est bien une parole d'innovation. Puis, que la personne bien précise visée par ce jugement, qu'il y ait les conditions et qu'il y ait l'absence des empêchements. Wallahu a'lam, et Allah est plus savant. Tasi'an, 9e chapitre. Mawqifu salafi salih min al-mubtadi'a. La position des pieux prédécesseurs vis-à-vis des innovateurs. Al-hadhar wa al-tahdhir min ahli al-ahwa'i wal-bid'a al-mukhalifina lis-sunnah, d'être en garde, d'être averti et de mettre en garde contre les gens de la passion et de l'innovation qui vont à l'encontre de la sunna. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui invente une chose dans notre religion, donc il invente une chose qui n'en fait pas partie, cela est à rejeter. Cela lui est rejeté, ça lui est rendu, ce n'est pas accepté. Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas qu'on se rapproche de lui comme bon nous semble. Non, il veut qu'on l'adore seul sans rien lui associer, mais il veut qu'on ne l'adore que par ce qu'il a légiféré, que par les enseignements qui nous sont donnés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'adore que Allah et on ne l'adore que par les enseignements du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc toute personne, quelle que soit son intention, qu'elle soit bonne, et ça c'est le meilleur du cas, au meilleur du cas pour cette personne, eh bien ce n'est pas accepté, car sa bonne intention ne suffit pas. Mais il fallait qu'il y ait un suivi. Et il faut appliquer la ilaha illallah, et il faut appliquer Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On n'adore que Allah, lui seul, on lui voue un culte exclusif, réservé à lui, lui seul est en droit d'être adoré, et on ne l'adore que par les enseignements du prophète alayhi salatu wa sallam, car le meilleur des chemins, la seule voie qui mène à Allah, c'est la voie sur laquelle était le prophète Mohammed, alayhi salatu wa sallam, une voie qui est droite et qui est claire de jour comme de nuit, ne s'en égare après lui qu'un homme voué à la perdition. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Celui qui fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. وقال صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود. Les hadiths précédents, les deux premiers, c'est dans le Bukhari et Muslim. Donc, l'un est dans Muslim, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, celui-là est dans Sahih Muslim, d'après Aïcha radiallahu anha. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, celui-là est dans le Bukhari Muslim, toujours d'après Aïcha radiallahu anha. Ce hadith que vient de voir, il est rapporté par Abu Daoud rahimahullah dans ses Sunan, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah et qui s'abstient de donner pour Allah, celui-là il aura complété sa foi, celui-là il aura parfait sa foi. وقال صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم. Donc dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah dans son sahih, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un prophète envoyé par Allah dans une communauté avant moi, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'Allah il ait mis dans sa communauté, il lui ait donné dans sa communauté des apôtres et des compagnons qui mettent en application sa tradition et qui mettent à l'œuvre ses ordres, qui accomplissent ses ordres. Puis, après cette génération, après ces personnes, ces apôtres et ces compagnons, viennent des successeurs qui, eux, disent ce qu'ils n'appliquent pas. Et ils font ce qui ne leur a pas été ordonné. Donc, ils font tout le contraire de ce que la religion demande. À les entendre parler, c'est beau, mais ils n'appliquent pas. Et lorsqu'ils appliquent quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui leur a été demandé. Ils appliquent des choses qu'ils ont ramenées d'eux-mêmes ou des gens qui les ont précédés les ont inventées. Mais ce n'est pas des choses qui leur ont été ordonnées. Donc, celui qui les combattra avec sa main est un croyant. Celui qui les combattra avec sa langue est un croyant. Et celui qui les combattra avec son cœur est un croyant. Et il n'y a pas en dehors de cela, il n'y a pas de foi, même pas le poids d'un grain de moutarde. C'est comme dans le hadith, pour celui qui voit un mal, qui le repousse par sa main, s'il ne le peut par sa langue, s'il ne le peut par son cœur, et voilà le plus bas degré de la foi. Donc là il dit, et en dehors de cela, c'est-à-dire après celui qui a combattu avec son cœur, il n'y a même pas le poids d'un atome de moutarde de foi dans son cœur. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة رواه مسلم في كتاب الزكاة. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte dans son sahih, dans le chapitre de la zakat, ce hadith, d'après le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, sortiront à la fin des temps des gens qui sont jeunes et qui ne sont pas raisonnables, si on peut expliquer les phrases, soit l'ahlam, qui n'ont pas le bon raisonnement, la bonne façon de réfléchir. Lorsque tu les entends parler, sort de leur bouche les meilleures des paroles des gens. Mais avec cela, ils sortent de l'islam comme la flèche sort de l'arc. Vous avez vu quand quelqu'un tire à l'arc ? La rapidité de la flèche, et ben voilà la rapidité de leur sortie. Tu les vois, ils sont attirants. Tu écoutes, c'est des belles paroles. Mais ils sortent de l'islam aussi rapidement que la flèche de l'arc. Celui qui vient les rencontrer, qui les tue. Car dans leur tuerie, il y a une récompense auprès d'Allah le jour du jugement dernier. Là, c'est-à-dire que lorsqu'apparaissent ces gens-là, l'autorité se doit de mettre un frein à leurs agissements et en les combattant, celui qui viendrait à les tuer dans le combat, il est récompensé pour cela. وَالْمَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ Et ceux qui sont voulus par ce hadith, هُمُ الْخَوَارِجِ Ce sont les kharijites. Et leur descendant parmi les tekfirs, ceux qui taxent à tout va la communauté musulmane de mécréance et qui se soulèvent à tout va contre les gouvernants musulmans et qui sèment les troubles et la terreur dans les pays musulmans et dans les terres de l'islam. Et ces gens-là, tellement qu'ils sont dangereux, il ne voit plus personne en tant que musulman. Jusqu'à que parfois ça arrive que la personne, elle ne reconnaît dans l'islam que sa propre personne. Même entre eux, à un moment donné, plus personne n'est musulman. Subhanallah. Donc pour eux, les gouvernants, ce n'est pas que les gouvernants, tout ce qui est autour du gouvernant, et ils descendent. Les savants, et il n'y a plus de savants. Donc après, c'est eux qui deviennent les références pour répondre aux questions des gens. Wal'iyadhu billah. Et quel danger il y a là-dedans. Puis après, ils descendent, et après, c'est toute la communauté musulmane qui devient mécréant. Et de temps à autre, ils apparaissent, ces gens-là. Mais alhamdulillah, rabbil alamin, jamais ils ne prennent le pouvoir. Ils essaient, puis ils tombent. Puis le temps passe, puis ils reviennent. Et ils continueront comme ça. Parfois ils apparaissent, parfois on les voit pas. Et ainsi de suite. C'est une histoire d'époque. Jusqu'à que vienne l'époque de Dajjal, l'antéchrist. Et ceux de l'époque de Dajjal, ils se soulèveront avec lui. Ils seront avec lui. Wal'iyadhu billah. Wahumul khawarij. Ce sont les kharijites qui sont voulus par ces hadiths. Qui a parlé d'eux? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a parlé d'eux avant leur apparition, avant qu'ils sortent. Et ils sont sortis à l'époque des compagnons. À l'époque des compagnons, ils sont apparus. وَقَدْ قَاتَلَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et ils ont été combattus par les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ma'ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. C'était sous le califat de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, fi ma'rakati al-Nahrawan, dans la bataille qui est connue comme étant la bataille de Nahrawan, c'est en Irak. La bataille qu'il y a eu entre les compagnons radiallahu anhum et les musulmans avec eux contre les Khawarij. Contre les Khawarij. Et ils ont atteint à un certain moment, ils étaient près de 10 000. Pour l'époque, c'est beaucoup. Près de 10 000. Et ils avaient leur campement. Tant qu'ils n'avaient rien fait, tant qu'ils n'avaient pas fait un acte qui pousserait l'autorité à les contrer, ils ont été laissés. Les gens, les conseillers, leur parlaient, mais ils restaient. Puis, ils en sont arrivés à agir et à tuer des musulmans. Parce que pour eux, ce n'était plus des musulmans. Et ils ont même assassiné Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat, le fils d'un grand compagnon, radiallahu anhu. Il était avec son épouse et elle était enceinte. Ils les ont assassinés. Et ils ont ouvert le ventre de cette femme pour tuer le bébé qui est à l'intérieur. Subhanallah. Des agissements, Allahul Musta'an. Donc là, avec ces agissements-là, l'autorité musulmane, sous Ali radiallahu anhu, ont pris la décision de mettre un terme à ce problème. Et il y avait leur campement. Et un peu avant la bataille, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le grand compagnon, le savant des compagnons, le grand exégète des compagnons, il a décidé d'aller les confronter. Son cousin, qui est le calife de l'islam, c'est Ali, c'est son cousin. Abu Talib, c'est le frère de l'Abbas. Donc, il lui a dit, n'y va pas, parce qu'ils peuvent te tuer. Il a dit, non, je vais y aller. Donc, il s'est parfumé. Il a mis ses meilleurs habits et il s'est présenté à leur campement. Ils ne lui ont pas passé le salam. Ils lui ont dit seulement « Bienvenue à toi » parce qu'ils ne le considèrent pas comme musulman. Vous imaginez le degré de ces gens? Ils ont en face d'eux les compagnons. Ils ont en face d'eux ceux qui leur ont propagé l'islam. Subhanallah. Ceux qui leur ont donné le Coran. Ceux qui leur ont donné la sunna. Ils n'ont pas rencontré le prophète. Sinon, ça aurait été des compagnons. Ce n'est pas des compagnons. Mais avec ça, ils taxent de mécréants les compagnons. Donc ne soyez pas étonnés que des gens viennent taxer des savants de mécréants. Leurs ancêtres, ils l'ont fait avec les meilleurs des hommes après les prophètes. Subhanallah. Donc, ils se présentent à eux et il leur dit, ne voyez-vous pas que vous êtes dans l'égarement? Regardez le point qu'il leur amène. Ne voyez-vous pas que vous êtes dans l'égarement? Il n'y a pas un seul compagnon dans vos rangs. C'est, subhanallah, c'est-à-dire que si vous aviez un compagnon, un seul, dans vos rangs, on aurait pu dire, bon, on comprend d'où vient le problème. Mais le fait qu'il n'y ait pas un compagnon dans vos rangs, vous auriez dû cogiter. Vous dire, c'est vrai, quand même, il y a un problème là. Comment se fait-il qu'il n'y a pas un seul compagnon qui accepte notre idéologie? Comment se fait-il qu'il n'y a pas un compagnon qui dit ce qu'on dit? Mais ils ont persisté dans leur mal. Alors imaginez-vous les gens d'après face à des gens qui ne sont même pas compagnons. Subhanallah. Puis, il leur a demandé, qu'est-ce que vous reprochez au prince des croyants? Ali ibn Abi Talib, pourquoi vous soulevez contre lui? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Et lui ont dit, on lui reproche trois choses, trois points essentiels. Il leur a dit, si je vous réponds à ces trois questions, vous revenez? Ils lui ont dit oui. Ils lui ont dit, il a effacé son titre de prince des croyants. Et s'il n'est pas le prince des croyants, ça veut dire qu'il est le prince des mécréants. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu le conflit entre Ali radiallahu anhu et Muawiya radiallahu anhu, deux compagnons, il y a eu ce problème-là qui s'est passé. Ben, dans le pacte de paix, Ali a enlevé ce titre-là. Donc eux, ils n'étaient pas d'accord. Et ils ont dit, s'il l'a enlevé, c'est parce que c'est le prince, le commandeur des mécréants. Regardez comment ils réfléchissent. Il leur a dit, et si je veux vous répondre à celle-là, le prophète Mohammed, il est bien le messager d'Allah. Oui. Ali, lui-même, radiallahu anhu, il était présent au pacte de paix qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah en l'an 6 de l'Hijriya, lorsque les compagnons avec le prophète alayhi salam ont voulu faire la Umrah. Ils se sont arrêtés à l'Hudaybiyah, les Mécois ont envoyé un émissaire, un ambassadeur, Suhail ibn Amr, et ils ont fait un pacte de paix de 10 ans. Et dans les clauses du pacte, ils ne feront pas la Umrah, mais ils pourront venir la faire l'année prochaine, qu'on a appelé Umratul Qadha. C'était la Umrah de rattrapage par rapport à la Umrah qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'il fallait qu'ils se désacralisent. Lorsqu'ils font le pacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est illettré. Il ne sait ni lire ni écrire. C'est qui écrit? C'est Ali, radiallahu anhu, en personne. Donc le prophète, il demande à Ali, écris. Donc il lui dit, écris. Bismillahirrahmanirrahim. Suhail ibn Amr, il le stoppe. Il lui dit, on ne connaît pas Rahman Rahim. Allah, on connaît. Mais Rahman Rahim, on ne connaît pas. Nous, on ne connaît que Bismikallahumma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali, écris Bismikallahumma. C'est pas grave. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écris. Voilà le pacte signé. Ce sur quoi se sont mis d'accord Mohammed, messager d'Allah, Suhail ibn Amr, il stoppe encore. Suhail ibn Amr, plus tard, il sera musulman. Mais là, pour l'instant, il est l'ambassadeur des Mécois, il n'est pas encore entré dans l'islam. Et il lui dit, si on savait que tu étais le messager d'Allah, on ne t'aurait pas combattu. Mais pour nous, tu es Mohammed, fils de Abdullah. C'est comme ça qu'on te connaît. Donc le prophète, sallam, lui a dit, efface messager d'Allah. Ali l'a dit, non, je ne peux pas. Tu es le messager d'Allah. Le prophète lui a dit, montre-moi où c'est écrit. Il lui a dit, c'est écrit là. Et avec sa main, il l'a effacé. Et pour écrire, Mohammed ibn Abdullah. Mohammed, fils d'Abdullah. Et là, Abdullah ibn Abbas, il dit au Khawarij, lorsque le prophète a effacé le titre de messager d'Allah, il n'était plus le messager d'Allah? Voilà une réponse. Il est toujours le messager d'Allah. Mais il y avait un besoin, c'est pas grave. On ne va pas s'attarder dessus. Mais ça n'enlève pas la réalité, qu'il est bien le messager d'Allah. Donc quand Ali a enlevé le titre de prince des croyants, Ça ne l'enlève pas qu'il est vraiment le prince des croyants. Quoi encore ? Et lui, on dit, j'essaie un peu de me rappeler, hein, la mémoire. Ils lui ont dit, il a donné le jugement aux hommes. Et le jugement appartient à Allah. Parce que quand il y a eu le conflit entre les deux parties, des compagnons sont venus régler le problème, arbitrer entre eux. Donc, ils lui ont dit, le fait que c'est des hommes qui ont une arbitré, c'est qu'il a donné le jugement à des hommes et le jugement appartient à Allah. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont dit cette phrase, « La hukma illa lillah », le jugement appartient à Allah, Ali a dit une phrase célèbre. Il a dit « Kalimatu haqqin ulida biha batil ». C'est une vraie parole. Le jugement appartient à qui ? À Allah subhanahu wa ta'ala. Mais derrière cette phrase, ces gens-là, ils veulent le mal. Parce que quand Ali et Muawiyah ont accepté que des hommes viennent arbitrer, ils n'ont fait qu'appliquer la loi d'Allah. C'est Allah qui a jugé que des musulmans, lorsqu'ils sont en conflit, que des personnes externes viennent essayer d'éteindre cette étincelle et de réconcilier entre les parties. Comme Allah dit, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Et lorsque deux parties parmi les croyants se combattent, alors réconciliez entre eux. Ça, c'est Allah qui l'a demandé. Mais regardez ce qu'il leur dit. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas jugé que lorsqu'un homme a des différends avec son épouse, qu'il y ait un arbitre du côté de la femme et un arbitre du côté de l'homme pour essayer de réconcilier? Ils lui ont dit oui. Il a dit, donc Allah, pour l'histoire d'un homme et d'une femme, il demande que des gens interviennent pour réconcilier. Et lorsque ces deux grandes communautés de la communauté musulmane, il n'y a pas des hommes qui viennent réconcilier. Allah a jugé que lorsque le pèlerin, celui qui est en état de sacralisation, il a chassé le gibier, il se doit d'expier. Parce que c'est un acte qui est interdit en état de sacralisation. Et pour son expiation, c'est qu'il donne quelque chose de convenable à ce qu'il a chassé. Qui va juger que c'est convenable, que ça vaut ? C'est deux témoins, deux personnes. Il lui a dit ça, c'est pourquoi ? Pour un gibier. Que dire de deux communautés musulmanes ? Et il y a un troisième point. Qui est-ce qui s'en rappelle ? Qui leur a dit ? Subhanallah. L'essentiel, c'est qu'à la fin, il y a près de 4000 personnes qui reviennent. Mashallah. Près de 4000 qui reviennent, qui repoussent chemin. Il ne reste pas avec les Khawarij. Alhamdulillah. Il a, avec cette confrontation, il a récupéré une partie qui ont vu la vérité. Qui ont vu la vérité. Et de même que dans leur égarement, même dans le domaine de la religion, dans les questions de la religion. Eux, ils voyaient, les Khawarij, ils ont une opinion qu'aucun savant de l'islam n'a. Ils ont cette opinion qui dit que la femme en état de menstrue et de lochie, comme vous le savez, elle ne prie pas et elle ne gêne pas. Elle n'a pas le droit de prier et elle n'a pas le droit de jeûner. Taïb. Mais plus tard, lorsqu'elle est en état de pureté, elle est censée récupérer les jours de jeûne. Mais elle ne récupère pas les prières. Les Khawarij, ils ont dit, elle récupère aussi les prières. Donc il y a une femme d'Irak qui arrive à Médine et qui vient rencontrer la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha. Et elle lui dit, est-ce que la femme, elle doit récupérer les prières non faites pendant l'état de menstrue? Aïcha radiallahu anha, elle la regarde, elle lui dit, est-ce que tu es une haruriya? Est-ce que tu es... Parce qu'ils sont les premiers sortis, parmi les Khawarij, c'était dans un coin qui s'appelait Haroura, en Irak. Donc on est affiliés à cet endroit. On les appelait Al-Haruriya. Elle lui a demandé, est-ce que tu es une Haruriya? Elle lui a dit, non, je suis une femme qui veut me renseigner, qui va apprendre ma religion. Parce que Aïcha al-Anha, cette question, elle sait d'où que ça vient. C'est qui dit ça? Et elle lui a dit, nous étions touchés par ça à l'époque du prophète sallam, par les menstrues, par les lochis. Et il nous a été ordonné de rattraper les jours de jeûne. Et il ne nous a pas été demandé de rattraper les prières. فلهذه النصوص المتقدمة وما في معناها فقد حذر أئمة السلف من البدع والمبتدع. Donc, vu ces textes précédents qu'on vient de voir, et d'autres qui vont dans le même sens, à cause de ces textes, les imams des pieux prédécesseurs ont mis en garde contre les innovations et contre les innovateurs. وامتلأت كتبهم ومؤلفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. Et leurs ouvrages, leurs écrits ont été remplis de mise en garde, de réfutation contre les innovations et ses adeptes, et la mise en garde contre cela. فقد روى مسلم في صحيحه عن يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال يحيى لعبد الله بن عمر رضي الله عنه إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم وذكر شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر الحديث. Donc, l'imam muslim, rahimahullah, rapporte dans son authentique, d'après Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abd al-Rahman, Yahya, donc ibn Ya'mar, dit à Abdullah ibn Omar, ces deux hommes qui sont al-Basra, à Bassora, dans la ville, en Irak, ils voient des choses dans le domaine du destin, des égarements. Et il décide d'aller aller à la recherche d'un compagnon pour lui exposer le problème. Et ils arrivent à la Mecque et ils trouvent Abdullah ibn Omar. Et il lui expose le problème. Donc ces deux hommes, Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abd al-Rahman, ils se retrouvent avec Abdullah ibn Omar. Et celui qui prend la parole, c'est Yahya. Il dit à Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, est apparu chez nous, en Irak, des gens qui lisent le Coran et qui suivent la science. Ils apprennent la science. Et il a cité des aspects à eux, les concernant. Mais ils prétendent qu'il n'y a pas de prédestination et que tout est dû au hasard. Il n'y a pas de destin. Tout est dû au hasard. Et là, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, a dit, lorsque tu trouveras ces gens-là, informe-les que je les désavoue et qu'ils me désavouent, que je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi. C'est-à-dire, je n'ai rien à voir avec eux, ils n'ont rien à voir avec moi. Et par celui dont jure Abdullah ibn Omar, il jure par Allah, et par celui dont jure Abdullah ibn Omar, si l'un d'entre eux possédait l'équivalent de la montagne de Uhud en or et il a donné complètement en aumône, jamais Allah acceptera cette action de lui tant qu'il ne croit pas au destin. Tant qu'il ne croit pas au destin. Puis, là le shir arrête le récit ici, puis après c'est quoi qui vient? C'est le hadith de Jibril, alayhi salam. Je vous l'ai déjà pratiquement raconté cette histoire. C'est le début, c'est ça l'introduction du hadith de Jibril. Puis il dit, j'ai entendu mon père me rapporter, lorsqu'un homme est venu, c'était Jibril alayhi salam, et il demande sur la foi, et le prophète lui répond, parmi les points de la foi, et que tu crois au destin, bon ou est mauvais. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا رواه ابن أبي شيبة رحمه الله الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله rapporte d'après le grand compagnon le deuxième calife de l'islam, le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui l'a dit, regardez cette parole de Omar, radiallahu anhu, faites attention et aux gens qui suivent leurs propres opinions, aux gens qui suivent leurs passions, car ce sont les ennemis de la sunna. Ils suivent leurs propres raisonnements, leurs propres idées. Il dit, ce sont les ennemis de la sunna. Car ceux-là ont été fatigués par les hadiths. Ils n'ont pas pu les mémoriser. Ils n'ont pas pu les apprendre. Ils ont été fatigués. Alors, ils ont délaissé ça pour en arriver à parler avec l'opinion, les idées, les raisonnements. Et là, en faisant cela, ils se sont égarés et ils ont égaré. وَرَوَى الدَّارِمِي وَلَلَكَائِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي قِلَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ما ابتدع قوم بدعة إلا استحل السيف. Les deux imams, Ad-Darimi et Al-Lalakai, rahimahum Allah, et d'autres ont rapporté d'après ce grand imam qui s'appelle Abu Qilaba, rahimahullah, qui dit, il n'y a pas des gens qui font une innovation, qui innovent sans qu'ils ne rendent permis l'épée. Il dit que tous ceux qui sortent de la sunna, au final, ils en arrivent à permettre de prendre l'épée contre la communauté. C'est-à-dire de se soulever contre la communauté. وقال أيوب السختياني رحمه الله أهل الأهواء كلهم خوارج وقال إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. Ce grand savant et ce grand imam, Ayyub السختياني رحمه الله, il dit, les adeptes de la passion sont tous des kharijites. Et il dit aussi, les kharijites, il y a une différence sur leur nom. Comment on les nomme? C'est cette secte, on la nomme comme ça. Cette secte, on la nomme comme ça. Ils n'ont peut-être pas les mêmes noms. Mais là, le point commun qu'ils ont tous, c'est l'épée. C'est-à-dire que le soulèvement, ils prennent l'épée contre la communauté. Wa an Sufyan al-Thawri, rahimahullah. قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها رواه اللالكائي. Et d'après ce grand imam Soufiane al-Thawri رحمه الله qui dit, l'innovation est plus aimée auprès de Iblis, auprès de Satan, que la désobéissance, que le péché, car du péché on s'en repent, mais de l'innovation, on ne s'en repent pas. Rapporté par Al-Lalakai. En annotation, le cheikh dit, « هذا الذي ذكره سفيان رحمه الله من عدم قبول توبة المبتدع إنما هو محمول على الغالب. » Ce qu'a cité Sufyan al-Thawri رحمه الله, comme quoi que le repentir de l'innovateur n'est pas accepté, cela est dû à la généralité. Parce qu'en général, ce sont des gens qui ne se repentent pas du mal qu'ils ont. لأنه يفعل ما يفعل ويرى أنه دين يتقرب به إلى الله. Car il agit ainsi, il applique cette action, mais au même moment, il voit que c'est une religion, que c'est de la religion, et qu'il se rapproche d'Allah avec. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم et vient réconforter ou renforcer cette signification-là, ou ce sens-là, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna allaha hajaba tawba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah » Allah a voilé, a bloqué le repentir de tout innovateur jusqu'à qu'il délaisse son innovation. Jusqu'à qu'il délaisse son innovation. Ça fait peur, subhanallah. Que l'innovation, un des dangers de l'innovation, qu'elle bloque le repentir, subhanallah. Tayyib, on va s'arrêter là, inshallah, et on continuera, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine. Wa subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana, anil hamdu lillahi rabbil alamin.